J'ai la flemme. Oh, parle pas trop fort, j'ai mal à la tête là. Ah ouais, mais bon. C'est un truc de ouf. Oh, c'est la flemme de mettre en route le système là. J'ai la flemme d'aller faire tcha-tcha, c'est pour te dire. J'aime Fada, mon gars. Ouais. Ouais, je me réveille 7h du mat et je veux déjà foutre que dalle. Aller en course, ça me casse les couilles, je préfère taper le pommal. Un coup de sur une gueule dans le cul, putain, ça fait trop mal. En plus, ce putain de bus est à la bourse, c'est la totale. Encore une journée de merde à flémarder au fond de la classe. Le prof charge au l'agenda exprès pour que ça me les casse. Je fac de présence sans avoir l'impression que le temps passe. Ils veulent que je me plie à leurs règles, mais je leur cale un temps pas. C'est clair et net, après je fous rien. Je gratterai une demi-mesure pour le fun, histoire de pouvoir m'endormir bien. L'appel de Nino me rappelle que je suis bien à la bourse. Ça tombe mal, la fille avec qui je suis voulait que je fasse la cour. De toute façon c'est décidé, demain je me bougerai le cul. Mon frère me rappelle dans l'évier, la vaisselle ne tient plus. La vérité c'est que j'en ai marre de moi-même. Je suis sûr qu'un jour j'aurai même la flemme d'avoir la flemme. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me saper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me saper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. J'ai réveillé rude quand l'alarme sonne. J'écris mes premières phrases à Walpé, la flemme d'enfiler un caleçon. Au bord de l'asphyxie, à bout de souffle. J'ai pas le courage de faire tourner mes poumons. Ce matin, respirer une foule. Ça fait des semaines déjà que j'aurais dû finir ce couplet. Jetez-moi à la mer tellement feignant, je pourrais couler. J'imagine mon avenir couler serein. Je me sers d'un stylo, combien de topo se sert d'une seringue. Je pense à toutes ces tâches que je mets toujours en attente. Je devrais laver qu'une assiette, au final, je m'en tape 30. Yeah, je dois bouger mon boule pour me rincer le Hulk. Parfois je préfère rester crade qui t'assemblait à Hulk. De langue fatiguée, mon patron est déçu. Pour me donner bonne conscience, je prends un café avec deux sucres. La vérité c'est que j'en ai marre de moi-même. Je suis sûr qu'un jour j'aurai même la flemme d'avoir la flemme. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me taper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me taper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Tous les jours c'est la même galère, c'est limite si je me promène pas dans l'appart, la queue a l'air. Je me dis que c'est pas comme ça que j'arriverai à avoir un salaire. J'ai même la flemme de brancher mon micro, putain de sa mère. Je suis pas de nature speed, comment être un éclair. Je marche à reculons car j'ai mis mes baskets à l'envers. Je vis dans l'obscurité en attendant qu'on m'éclaire. Une chose est sûre, c'est pas moi qui le ferai, ça c'est clair. L'avenir appartient à celui qui se lève tard. Voilà mon dicton quand je suis dans mon pieu et en calbar. Si ça continue, je vais aller vivre dans une grotte. Putain, j'ai la flemme de poser ce texte sur une prod. Je me lève et j'ai encore des rimes à poser sur ce texte. Sur ce thème, j'ai pas envie de mettre en route mon système. Ça fait deux jours que je dois écrire deux mesures. Ma fainéantise n'est pas commune, je suis dans la des mesures. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me saper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Je suis pote avec mes pantoufles et mon canapé. J'ai rien envie de faire, encore moins envie de me saper. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme. Parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme, parce que j'ai la flemme.